Vous écoutez France Culture. Deuxième temps de cette semaine de la Fabrique de l'Histoire de l'Art consacrée à l'impressionnisme. Après avoir hier visité en avant-première l'exposition Les Impressionnistes en privé qui ouvre jeudi au musée Marmottes en Monet et nous présente une centaine de tableaux sortis des collections privées, et avant demain de nous demander comment les intellectuels et les écrivains ont parlé des impressionnistes, et après-demain, jeudi, de nous demander ce qu'a signifié peindre après l'impressionnisme, nous allons ce matin vous proposer une rediffusion, une tentative d'épuisement d'un tableau, le portrait de Émile Zola par Manet. Un tableau qui date de 1868, trois ans après le scandale de l'Olympia et quelques années avant même le baptême du mouvement pictural sur le nom justement d'impressionnisme. Un tableau qui raconte l'histoire d'une amitié entre un journaliste et un peintre sous le Second Empire, en marge mais en quête de respectabilité. Tentative d'épuisement d'un tableau jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire. Un documentaire signé Perrine Kervran et Séverine Cassard avec les analyses de Manuel Charpie, d'Anne Martin Fugier, de Stéphane Guégan, de Gabriel Houbre, de Robert Kopp et d'Olivier Rollin, donc c'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire. La toile est au musée d'Orsay, entre d'autres peintures d'Édouard Manet qui sautent au visage. Mais celle-ci ne retient pas vraiment l'attention. Elle est plutôt grande, la taille d'un homme assis, mais elle est plutôt sombre. Deux taches claires se détachent, un visage mangé par une barbe brune et un livre ouvert à côté d'une main. Le fond du tableau est donc sombre, entre le noir, le brun et le vert. On y devine deux plumes de paon, le bas d'un autre cadre et le tiroir et le pied d'un bureau. La redingote de l'homme est noire et y disparaissent presque une paire de lorgnons. Balthus disait toujours, il faut que le tableau vieillisse, éventuellement disparaisse, on n'y touche pas, ça fait partie de la vie du tableau. Et puis l'autre école, qui est un peu américaine, qui veut restituer l'état d'origine. Alors on enlève les vernis qui ont bruni, on essaye d'éclaircir les bitumes qui ont noirci, et parfois on reconnaît de loin les tableaux qui viennent des collections américaines parce que les couleurs sont vives, et tout d'un coup rouge et jaune et vives, c'est oui. C'est ça. Alors que là, visiblement, on n'y a pas touché. Mais c'est dommage tout de même pour l'œil de la plume de paon. On aimerait le voir plus vert et plus net. Les deux plumes de paon sont coincées dans un porte-lettres et passent sous le cadre qui est juste au-dessus. Mais surtout, on voit un homme, assis sur un fauteuil de tapisserie cloutée. Il a le regard perdu dans le vague, ne regarde ni le livre qu'il tient ouvert devant lui, ni le spectateur. Il semble absent, mais raide. Il a les jambes croisées, le bras appuyé sur un petit bureau recouvert de livres. Derrière lui, un paravent japonais aux teintes jaunes et bleutées. On y devine une rivière et un oiseau noir et blanc, perché sur une branche de cerisier. Au-dessus de sa tête, un cadre, dans les bords duquel sont glissées trois images. Où qu'on regarde dans ce portrait, Robert Kopp, on voit des choses coupées. En bas, un des pieds de Zola est coupé à gauche. Il y a le paravent japonais qui est coupé à droite. Il y a la table qui est coupée. Il y a la brochure de Zola dont le coin de la couverture est coupé. Il y a ce cadre où sont épinglées les reproductions qui est coupé. Le tableau n'est pas composé avec des objets pris dans leur totalité, mais par des choses qui sont amorcées et qui renvoient à un dehors du tableau. Alors si on fait le détail du mobilier dans le tableau, on a un paravent japonais ancien, Un fauteuil Louis XIV ou Louis XV, tapissé et clouté, avec des clous de tapissier dorés, et un bureau, trop petit, sombre et patiné. Finalement, le décor est très bourgeois et très ordinaire, avec un paravent japonais. Manuel Charpie. Sur la partie gauche du tableau, qui figure un paysage avec une perspective un peu frontale. Un encrier, sans doute une chinoiserie. L'intérieur de Zola, notamment à Médan, était un vaste espace de bric-à-brac, comme tous les appartements au XIXe siècle, fait d'antiquités, de curiosités exotiques. Vous avez aussi des plumes de paon, enfin ce genre de décor qui vient habiller en quelque sorte les intérieurs bourgeois du XIXe siècle. Et Zola vivait dans un décor très bourgeois et très ordinaire. Il s'habille lui-même comme un bourgeois très ordinaire. Le fauteuil lui-même est très ordinaire, encore une fois, c'est un fauteuil en tapisserie qui doit se vouloir ancien ou être ancien, on ne sait pas trop, en tapisserie cloutée, qu'on trouve aussi très couramment. Donc il n'y a pas vraiment de singularité forte dans ce décor, ni dans la façon de le peindre, enfin c'est peint comme tout le reste. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, être un peintre de la vie moderne dans les années 1860, c'est peindre aussi des morceaux du passé qui sont présents un peu partout dans la société. Je me souviens d'avoir lu des articles sur l'atelier de la rue de Saint-Pétersbourg, par exemple, qui est son avant-dernier atelier. Il y avait une grande cheminée en chêne, en bois sombre, et puis il y avait des objets qui lui avaient été offerts par différentes personnes. Mais enfin, ce n'était pas l'atelier du rapin, quoi, comme, selon la mythologie. Olivier Rollin. Même, je crois que dans l'œuvre, le roman de Zola, donc sur un peintre qui est à la fois Cézanne et Manet et d'autres, il me semble que l'atelier qu'il décrit de Claude Lantier, donc le peintre, c'est beaucoup plus traditionnellement un atelier d'artiste, quoi. Les ateliers de Manet, encore une fois, il avait un côté bourgeois, Manet. Hein. C'était un révolutionnaire dans l'art, dans son métier, si on peut appeler l'art un métier. Et il avait là-dedans un courage complet, puisqu'il n'a jamais décidé de modifier la façon qu'il avait de peindre pour correspondre au goût, etc. Et socialement, c'était pas du tout un marginal, quoi. On dit toujours Manet peintre du réel, alors à tort ou à raison, mais il n'y a aucun objet manufacturé, aucun objet industriel, et on pourrait imaginer justement que Manet aurait pu représenter un de ces objets qui est censé être un objet du quotidien, et là pourtant on a l'impression que tout est patiné. Les reliures des livres, le fauteuil, le paravent a l'air ancien aussi, ce bol aussi, on ne voit que des choses anciennes dans ce tableau. Oui, et en même temps, si on veut peindre le monde contemporain de la bourgeoisie, on peint ce monde passé. Et même quand les objets sont industriels, ils sont de toute façon patinés industriellement. Peut-être que l'encrier est un encrier extrêmement récent, qui a un aspect plus ancien. Et même toute la technique, enfin, on peut même s'étonner qu'il n'y ait pas d'éclairage, par exemple, pour un bureau de travail. Il pourrait y avoir dans ces années-là déjà soit des éclairages électriques sur pile, sur batterie, ou au moins une lampe à gaz ou une lampe à huile. Enfin, on n'a pas même ces objets contemporains. Mais encore une fois, parce que je crois que si on s'attache au réel espace de vie de la bourgeoisie à l'époque, c'est un espace passé. Pour ce qui est des objets, Manet a posé dans le tableau un encrier de porcelaine chinoise craquelée, blanc, fleuri de rouge et de vert, un bol chinois, certainement laqué noir et or, un porte-lettres de bois blond, de vieux livres reliés de cuir brun, patinés par les années à la tranche colorée, un coupe-papier d'ivoire jauni par le temps et une plume d'oie ébouriffée. Tous ces petits objets, donc soit authentiquement exotiques, soit des chinoiseries, c'est-à-dire des copies occidentales, sont symptomatiques de la pratique du bibelot, c'est-à-dire cette idée de collectionner des bribes d'histoire. D'ailleurs, Zola écrit beaucoup sur cette pratique du bibelotage, en faisant d'ailleurs une pratique distinctive où, en gros, les demi-mondaines ou les prostituées collectionnent des bibelots vulgaires et la bonne société, pour aller vite, ou les gens de lettres, savent apprécier les objets authentiques. Et donc, ils vont témoigner, paradoxalement, d'une culture. Pour comprendre les citations de l'estampe japonaise, de Velázquez, de etc., etc., il faut avoir une culture qui est la culture bourgeoise du siècle. Le portrait d'Émile Zola par Édouard Manet, 1868, huile sur toile, 146 cm de haut, 114 cm de large. Alors Zola est assis sur un fauteuil chamarré, pourrait-on dire, assis de profil. On ne sait pas ce qu'il regarde. Il paraît extrêmement absent. Anne-Martin Fugier. Derrière lui, un paravent chinois. Au-dessus de lui, trois représentations. Une gravure japonaise, un kakemono, enfin des choses qui étaient à la mode à l'époque. Des choses qu'adoraient les frères Goncourt. Absolument. D'autre part, une reproduction d'un Velázquez. On sait que Manet avait une passion pour Velázquez et avait fait ce grand voyage en Espagne quelques années auparavant. Et puis, une reproduction d'une gravure d'Olympia. Mais Olympia n'est pas comme dans le tableau. Olympia a le visage tourné vers nous. Olympia semble regarder Émile Zola. Peut-être même qu'elle lui sourit. À côté d'elle, sur un fond bleu, une estampe japonaise. On y voit un lutteur de sumo debout, à la peau blanche et coiffé d'un chignon noir serré sur le haut de la tête. Il porte un kimono brun et par-dessus, un large manteau noir. Le porte-lettres est rempli de brochures grises et vertes, roses et jaunes. Et des livres reliés de cuir, d'autres reliés de carton coloré, sont debout sur le bureau. Ce qui est significatif pour Manet plus que pour Zola, et c'est ce qui fait penser à certains commentateurs que c'est un autoportrait autant qu'un portrait, en quelque sorte, les éléments japonisants. Il y a par exemple ce lutteur, cet lutteur de sumo de Kuniaki II, nous apprennent les historiens d'art. Alors, je n'ai jamais rencontré chez Zola de page exaltant le japonisme. Donc Manet se représente en quelque sorte lui-même ou représente ce qui est son univers pictural à travers les reproductions qui sont épinglées ou accrochées dans ce cadre. Si on regarde les seuls objets qui parlent de la vie parisienne contemporaine de l'époque, c'est la petite plaquette sur Manet écrite par Zola et la reproduction de l'Olympia. Manuel Charpie. Le reste étant, notamment tous les livres qui sont sur cette table, étant sans doute du XVIIIe siècle. L'autre chose qui est très forte et qui est à mon avis une des singularités de Manet, c'est le fait de considérer que dans le réel de la vie moderne de l'époque, il y a des images. Il faut rappeler qu'on est à un moment où de très grande circulation des images. Foucault parle de vertige nouveau des images nouvelles, ou quelque chose comme ça. En tout cas, cette idée que la société, notamment parisienne et en général urbaine, est traversée par un immense flot d'images, puisque c'est le moment où on pratique la reproduction à grande échelle des œuvres d'art anciennes par la photographie ou la gravure. Je pense à des éditeurs comme Goupil qui inondent les boulevards d'estampes et de photographies d'œuvres, estampes qui circulent à l'échelle de toute l'Europe. Pareil, c'est pas une singularité là du monde des artistes parisiens, c'est les estampes japonaises se mettent à circuler dans toute la société. Et pareil, on peut en acheter aussi bien rue de Rivoli que sur les grands boulevards. Vous savez quel effet produisent les toiles de Monsieur Manet au salon. Elles crèvent le mur, tout simplement. Tout autour d'elles s'étalent les douceurs des confiseurs artistiques à la mode. Les arbres en sucre candi, et les maisons en croûte de pâté, les bons hommes en pain d'épices, et les bonnes femmes faites de crème à la vanille. Et les toiles vivantes de l'artiste semblent prendre une certaine amertume au milieu de ce fleuve de lait. La place de M. Manet est marquée au Louvre comme celle de Courbet, comme celle de tout artiste d'un tempérament original et fort. J'ai tâché de rendre à M. Manet la place qui lui appartient, une des premières. Un jour, nous serons vengés tous deux. Il y a une vérité éternelle qui me soutient en critique, c'est que les tempéraments seuls vivent et dominent les âges. Il est impossible, entendez-vous, que M. Manet n'est pas son jour de triomphe et qu'il n'écrase pas les médiocrités timides qui l'entourent. Ceux qui doivent trembler, ce sont les faiseurs, les hommes qui ont volé un semblant d'originalité aux maîtres du passé. Ceux-là seront les morts de demain. Il y en a qui sont morts depuis 10 ans et qui se survivent en criant qu'on offense la dignité de l'art si l'on introduit une toile vivante dans cette grande fosse commune du salon. Manet avait une grande ambition, c'est de devenir un peintre reconnu. Robert Cope. Reconnu à travers le salon. Il a, dès le début de sa carrière, essayé de forcer la porte du salon, cette exposition annuelle organisée par l'Académie des Beaux-Arts, et il a réussi certaines années et il a échoué d'autres années. La première fois qu'il a réussi, c'était d'ailleurs avec un portrait, le portrait de ses parents, en 61. Et c'est probablement le premier tableau de Manet que Zola a vu, puisque on sait qu'il a visité le salon de cette année-là avec son ami d'enfance, Cézanne. Mais il ne prend la défense Manet que quelques années plus tard, à l'occasion d'un autre salon où Manet n'expose pas, celui de 66. Et comme souvent dans les comptes rendus de salon, les écrivains parle aussi des tableaux ou des peintres qui ont été refusés. Zola est le premier en 1866 à affirmer le génie de Manet. À partir de cette date inaugurale, se noue une véritable amitié entre les deux hommes qui va se manifester. De tous côtés, on me somme de m'expliquer. On me demande avec instance de citer les noms des artistes de mérite qui ont été refusés par le jury. Le public sera donc toujours le bon public. Il est évident que les artistes mis à la porte du salon ne sont encore que les peintres célèbres de demain. Il faut se dire que toutes les personnalités, Delacroix et les autres, nous ont été longtemps cachées par les décisions de certaines coteries. Je ne voudrais pas que cela se renouvelât. Et j'écris justement ces articles pour exiger que les artistes, qui seront à coup sûr les maîtres de demain, ne soient pas les persécutés d'aujourd'hui. J'affirme carrément que le jury qui a fonctionné cette année a jugé d'après un parti pris. Tout un côté de l'art français, à notre époque, nous a été volontairement voilé. J'ai nommé messieurs Manet et Brigaut, car ceux-là sont déjà connus. Je pourrais en citer 20 autres appartenant au même mouvement artistique. C'est dire que le jury n'a pas voulu des toiles fortes et vivantes. Je sais bien que les rieurs ne vont pas être de mon côté. On aime beaucoup à rire en France. Et je vous jure que je vais rire encore plus fort que les autres. Rira bien qui rira le dernier. Eh oui, je me constitue le défenseur de la réalité. J'avoue tranquillement que je vais admirer M. Manet. Je déclare que je fais peu de cas de toute la poudre de riz de M. Cabanel et que je préfère les senteurs âpres et saines de la nature vraie. Manet, pour commencer, répète le geste de Courbet. Courbet, au moment de l'exposition universelle de 1955, a présenté toute une série de tableaux. 3 seulement avaient été acceptés. Il s'est fâché, il a fait sécession, il a fait construire un pavillon quasiment en face de l'entrée de l'exposition universelle et il a exposé une quarantaine de ces tableaux, exhibition de M. Courbet, sous titre « Le réalisme ». C'était, comme on dirait aujourd'hui, une stratégie de communication. Or, Manet répète exactement le même geste en 67. Avant même que ces tableaux ne soient refusés, il installe immédiatement un pavillon à lui et il expose une quarantaine de ses toiles. Et c'est à ce moment-là que Zola lui propose, et c'est là qu'on voit que c'est donnant-donnant, que Zola lui propose de faire une brochure d'un article qu'il a publié sur lui, Une nouvelle manière de peindre de point Manet, dans la revue du 19e siècle, quelques mois auparavant, et Manet accepte Et c'est cette brochure à couverture bleue qui est distribuée à l'entrée de l'exposition. Et pour remercier Zola de son appui, il a fait ce portrait grandeur nature qu'il a donné à Zola et qui est resté chez Zola jusqu'à la mort de Zola. Ben oui, je crois qu'il n'a fait que des portraits de Olivier Rollin, d'amis, enfin de gens avec qui il entretenait des relations d'amitié. Je dois dire une bêtise déjà, mais enfin grosso modo c'est vrai. Enfin, ses portraits célèbres, bon, les plus célèbres évidemment, c'est Berthe Morisot qui était au moins une amie, disons, et puis Antonin, il s'appelait Proust, non, je crois. Et puis c'est Mallarmé, et puis c'est... Alors non, peut-être que Clémenceau, je ne sais pas s'ils étaient vraiment amis, mais enfin bon, Rochefort, il admirait quand même. Allez. Bref, donc, et même ce Pertuiset que dont j'ai fait le personnage d'un de mes livres, il était quand même copain avec lui. Je ne l'admirais pas, mais il était copain avec lui. Bon. Donc il y avait évidemment une relation d'empathie, d'amitié. Et dans le cas de Zola, au moment où il fait ce portrait, c'est-à-dire, je crois que c'est fin 67 qu'il commence à le peindre, il ne peut avoir que de la sympathie et de la reconnaissance pour Zola, puisque Manet a été insulté, enfin c'est pas de la critique, c'est vraiment des insultes, enfin insulté pratiquement toute sa vie. Et là, il vient de subir toutes sortes d'outrages, puisque c'est assez peu de temps avant que Olympia ait été exposée, etc. Et le seul qui ait pris sa défense, à vrai dire, parce que c'est pas Baudelaire, par exemple. Enfin, bon, Baudelaire qui vient de mourir, d'ailleurs, mais c'est Zola. Bon, donc, comment peut-il remercier un jeune écrivain qui prend sa défense contre les aboyeurs de l'art académique, en faisant son portrait? Il faut se souvenir que ce tableau a été peint pour l'espace public. Stéphane Guégan. Et qu'il s'agit de manifester cette connivence au grand jour. Et d'en tirer également peut-être un certain profit. Et par ailleurs, Zola, en ces années 1867-68, est devenu un journaliste à plein temps, voire un journaliste politique. C'est aussi un moment très particulier du Second Empire, où l'empereur a en quelque sorte libéré la presse. Et donc, si Zola et Manet sont des républicains, bien sûr, le seul fait de les associer dans un tableau fait époque. Quand on regarde la façon dont l'œuvre a été reçue en 1868, on s'aperçoit que certains des acteurs essentiels de la vie parisienne, certains critiques, ont compris la dimension stratégique de ce tableau. Je pense notamment à Théophile Gautier qui s'attarde longuement sur le tableau dans son compte-rendu du salon de 1868. Il reconnaît en Zola justement le jeune romancier réaliste qui a fait parler de lui, notamment à travers la petite polémique qui avait entouré Thérèse Raquin, hein, ce roman qui met en scène un peintre. Et puis il fait allusion également à la brochure de 1867, hein, il parle d'une défense un peu spécieuse des idées de Manet, et puis il analyse en détail le tableau, il sent bien que la présence de l'estampe japonaise, de la gravure d'après les buveurs de Velázquez et de la présence d'Olympia, il dit « Donna Olympia », a valeur de manifeste esthétique. Donc il sent bien que ce tableau s'inscrit dans la stratégie parisienne de Manet. Stratégie d'ailleurs commune au peintre et à l'écrivain critique, hein, qu'est Zola. En 66, Zola est un jeune auteur. Il a 26 ans. Exactement, il veut entrer dans la carrière littéraire. Comment est-ce qu'on entre dans la carrière littéraire à l'époque? Par le journalisme. On se fait donc soit critique littéraire, critique dramatique, critique d'art. On fait des piges pour des journaux et Zola en fait énormément. Et c'est ainsi qu'il devient non seulement critique littéraire, mais aussi critique d'art. Mais ses goûts en matière de peinture étaient tout sauf sûrs, et ses connaissances en matière de peinture étaient bien moindres que les connaissances qu'avaient d'autres critiques d'art de l'époque, qui au moins avaient dessiné un peu, avaient peint un peu. C'est pour cela que certains commentateurs disent, non sans raison, qu'il s'est servi de Manet, que Manet a aussi été un prétexte pour plaider la cause d'un art nouveau, d'un art réaliste, puisque les reproches qu'on faisait à Manet, c'était la laideur, c'était la saleté, la lourdeur, la saleté de ses peaux, le côté cadavérique d'Olympia, etc. Oui, le Christ qui ne s'est jamais lavé, etc. Voilà. Oui. Alors, pour Zola, Manet était un peintre d'avant-garde. Zola voulait être un écrivain d'avant-garde. Il s'est dit, moi, jeune écrivain d'avant-garde, nous marchons de concert, c'est le même combat. Bien au contraire, Manet n'avait absolument pas envie de se faire embrigader sous cette bannière. Il n'a jamais revendiqué une quelconque étiquette. Manet avait envie de devenir un grand peintre tout court dans la tradition de la grande peinture. Ses modèles étaient Delacroix et par-delà Delacroix, je pense, les grands peintres de la Renaissance. Écoutez, j'ai lu des livres autrefois qui disaient que... qui disait qu'au fond, il s'était peut-être un tout petit peu moqué de Zola en faisant en sorte, par exemple, vous savez, il y a cette histoire que cette Olympia, donc elle ne regarde pas le spectateur, enfin, elle ne regarde pas nous, elle regarde Zola. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt une marque de gentille de sa part. Mais enfin, j'ai lu dans je ne sais plus quel bouquin que c'était peut-être un peu pour se moquer de Zola, etc. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, il me revient aussi comme ça à un moment, à la fin de sa vie, je ne sais plus, il parle peut-être à Antonin Proust, justement, où... C'est quand il louait une maison à Meudon, quand il faisait des cures d'hydrothérapie, etc. Et à un moment, il s'emporte un peu contre Zola, et puis il se reprend tout de suite, et il dit... Parce que Zola n'a pas été quand même très sympa avec lui. Au début, oui, mais ensuite, non. Et il dit, mais pourquoi est-ce que je dis du mal de Zola, alors que c'est un type qui a fait tout pour moi, etc. Enfin, bon, donc je pense que vraiment, ne passait dans son esprit à ce moment-là que de la sympathie et de la reconnaissance, et voilà, il n'y a aucune arrière-pensée. Les peintres avaient tout à fait intérêt à se reprocher des écrivains, puisque c'était les écrivains qui écrivaient les critiques sur les salons. Théophile Gautier, par exemple, pouvait faire 30 semaines de suite sur le salon. Ouais. C'était extrêmement important. Donc, comment avoir de la publicité sur son travail si on n'avait pas d'amis journalistes et écrivains? C'était impossible. Oui, et puis depuis le romantisme, de toute façon, l'idée de l'unité des arts est dans l'air. Alors je ne sais pas si dans cet atelier-là, rue Guyot, c'est cela, j'imagine qu'il y avait du passage, encore une fois, parce que Manet était un type, non pas exactement, c'était pas un mondain, mais c'était un homme qui aimait la société, il était sociable. Mais quoi qu'il en soit, voilà, dans cet atelier-là, j'en sais rien. Ensuite, je sais que rue de Saint-Pétersbourg, c'était un... Je ne crois pas là non plus qu'il y avait un jour, comme chez Mallarmé, par exemple, mais il y avait un passage constant. Et il y avait, par exemple, Mallarmé qui venait à peu près tous les jours en sortant du... Et ça, c'est plus tard, hein, mais en sortant de son lycée, il y avait d'autres peintres, Bazzi, je ne sais plus, Fontaine-Latour, peut-être. Enfin, voilà, c'était un lieu où se rencontraient peintres et écrivains. Édouard Manet est né à Paris en 1833. Je n'ai sur lui que peu de détails biographiques. La vie d'un artiste, en autant correct et polissé, est celle d'un bourgeois tranquille, qui peint des tableaux dans son atelier comme d'autres vendent du poivre derrière leur comptoir. La race chevelue de 1830 a même, Dieu merci, complètement disparu, et nos peintres sont devenus ce qu'ils doivent être, des gens vivant la vie de tout le monde. Édouard Manet est de taille moyenne, plutôt petite que grande. Les cheveux et la barbe sont d'un châtain pâle. Les yeux étroits et profonds ont une vivacité et une flamme juvénile. La bouche est caractéristique, mince, mobile, un peu moqueuse dans les coins. Et si du visage nous descendons à la personne, nous trouvons dans Édouard Manet un homme d'une amabilité et d'une politesse exquise, d'allure distinguée et d'apparence sympathique. Les farceurs contemporains, ceux qui gagnent leur pain en faisant rire le public, ont fait d'Édouard Manet une sorte de bohème, de galopin, de croque-mitaine ridicule. Et le public a accepté, comme autant de vérité, les plaisanteries et les caricatures. La Bohème a existé de tout temps, elle n'avait pas toujours Robert Kopp. Ce nom. Celle de 1830 existait à côté d'écrivains et de peintres tout à fait établis. La Bohème de la deuxième moitié du 19e siècle existait aussi, mais Manet n'en faisait pas partie et ne voulait pas en faire partie, ni Zola d'ailleurs. D'ailleurs. Et donc on peut imaginer qu'effectivement il y a l'idée dans ce tableau de faire de Zola quelqu'un d'installé, d'assis, de respectable. Oui, d'ailleurs, il fait beaucoup plus âgé que 26 ans. Zola est en redingote noire qu'il porte fermée. Il se tient très droit et ne s'appuie pas sur le dossier du fauteuil. Il n'est pas détendu et objectivement, il pose. Il a un pantalon épais et gris, à fines rayures, à moins que ce ne soit du velours côtelé. On voit ses chaussettes, brunes, épaisses et tire-bouchonnées, mais on ne voit pas ses pieds. Il porte la barbe et les moustaches assez drues. Et ses cheveux sont soigneusement tirés en arrière, peut-être un peu gominés, mais il y avait été de la gomina à l'époque. Peut-être alors est-ce de la brillantine, à moins que ce ne soit la même chose. C'est vraiment le costume bourgeois ordinaire hein, là, que porte Zola. Chemise blanche qu'on voit, on voit juste le poignet de chemise qui dépasse. Sous-vêtements blancs qui manifestent sa capacité à se tenir propre. Manuel Charpie. Redingote noire qui devient au milieu du siècle, comme Baudelaire l'a noté, l'uniforme d'une société qui a l'air de porter le deuil. Et puis ce pantalon gris en toile qui est un espèce de carapace qui masque toutes les formes des jambes, du sexe, etc. Il faut rappeler qu'à l'époque, quand on sort en ville, sous les redingotes, on a des plastrons, des gilets, etc. Donc toute une carapace vestimentaire qui donne une tenue. Et donc là, dans les intérieurs, on a des vêtements qui sont plus souples. Et puis pour rire, vous parliez de ces chaussettes tire-bouchonnées. Mais c'est le moment aussi où on a des systèmes de jartelles, d'accroches et d'élastiques extrêmement compliqués pour retenir tous ces sous-vêtements. Tout ça indique effectivement qu'on est sans doute devant un costume d'appartement qui permet de recevoir et d'être digne, enfin on n'est pas en chemise de nuit, mais de pouvoir travailler plus à son aise. Le tableau renvoie à toute une tradition de portraits depuis la Renaissance, d'hommes de guerre qui sont représentés avec leurs attributs, des bâtons de maréchaux, des cartes, d'hommes de science qui sont représentés avec leurs livres, leurs instruments scientifiques, etc., etc., d'hommes religieux qui sont représentés avec ce qui donnait un sens à leur vie ou leur spécificité. Ici, je n'irai pas jusqu'à dire un saint laïque, mais il est représenté comme les grands personnages. Et là, quand on parle des attributs, effectivement, il y a l'encrier, les livres, il y a donc ces tableaux. Donc ce sont les attributs de l'écrivain, du critique d'art et du peintre. Les attributs de l'écrivain sont aussi bien les livres, les outils d'écriture, même si là encore, on a une plume d'oie taillée, on est dans 1868 quand ce tableau est peint, on a déjà d'autres outils d'écriture, des plumes en acier, évidemment, mais même déjà des stylos avec des réservoirs, etc. Enfin, des plumes avec des réservoirs. Là, il y a quelque chose, oui, d'assez conventionnel, à mon sens, dans la représentation de l'écrivain au travail, avec les lorgnons, avec la plume, les livres, sans doute le coupe-papier pour ouvrir et lire les ouvrages. Là, Zola pose en écrivain. Alors, avec quand même une nuance sur la pose elle-même, on est à la fois dans une pose très conventionnelle, et puis, comme toujours chez Manet, une pose qui est un peu mal à l'aise, un peu pas sous le bon angle. C'est le moment, il ne faut pas l'oublier, où la pose se recodifie et est recodifiée par la bourgeoisie, notamment via les studios photos, où en quelque sorte les photographes ont pour premier travail d'apprendre aux gens à poser correctement selon leur statut, selon leurs activités. Et donc la pose de l'écrivain avec la main sur les livres se généralise à ce moment-là. Studio photo d'ailleurs où on pose avec le même genre de décor complètement rattaché au passé. Alors moi ce que je trouve intéressant à regarder ce tableau, c'est de penser au tableau qu'il va faire plus tard de Mallarmé. Mallarmé avec lequel il était beaucoup plus intime qu'avec Zola. Autant nonchalant. Voilà. Anne-Martin Fuchs. Un peu à l'angui, avec le tissu japonais à l'arrière quand même. Mais il y a un côté, je dirais, familier avec Mallarmé. Alors que là, ça a quand même ce côté raide. Et surtout, ça ressemble beaucoup à une mise en scène. Bien sûr, oui. C'est la distance du portrait public et du portrait privé. Privé, oui. Là, Zola est un homme public. Il y a des tableaux dans le tableau. Le bas d'une toile peinte, le paysage japonais du paravent et les trois reproductions glissées dans le cadre au-dessus du porte-lettres. Une reproduction des buveurs de Velázquez, on dirait bien une gravure, une estampe japonaise et une reproduction d'Olympia. Sans doute encore une gravure, mais certains ont dit première photographie d'un tableau dans une toile peinte. Alors, mais ce qui est sûr, c'est qu'on dirait bien qu'Olympia regarde Zola. Non, non, elle n'est pas tournée de la même manière. Et ici, dans le portrait de Zola, on a l'impression que Olympia regarde Zola. Alors, et ça oui. pourrait être un petit clin d'œil. Oui, alors c'est soit un clin d'œil à l'intimité qui existe à ce moment-là entre Manet et Zola, mais de mauvaise langue, d'autres critiques ont dit que c'est une manière, parce que c'est vrai qu'Olympia sourit quasiment là-dessus, et que c'est peut-être une manière de se moquer de la lourdeur de Zola, qui a voulu à toute force tirer Manet vers le naturalisme. En 1865, Édouard Manet est encore reçu au Salon. Il expose un Christ insulté par les soldats, et son chef-d'œuvre, son Olympia. J'ai dit chef-d'œuvre, et je ne retire pas le mot. Je prétends que cette toile est véritablement la chair et le sang du peintre. Elle le contient tout entier et ne contient que lui. Elle restera comme l'œuvre caractéristique de son talent, comme la marque la plus haute de sa puissance. Le peintre a procédé comme la nature procède elle-même, par masse claire, par large pan de lumière, et son œuvre a l'aspect un peu rude et austère de la nature. Le corps lui-même de l'enfant a des pâleurs charmantes. C'est une jeune fille de 16 ans, sans doute un modèle qu'Édouard Manet a tranquillement copié tel qu'il était. Et tout le monde a crié, on trouve ce corps nu indécent. Lorsque nos artistes nous donnent des Vénus, ils corrigent la nature, ils mentent. Édouard Manet s'est demandé pourquoi mentir, pourquoi ne pas dire la vérité. Il nous a fait connaître Olympia, cette fille de nos jours que vous rencontrez sur les trottoirs et qui serre ses maigres épaules dans un mince châle de laine déteinte. Le public, comme toujours, s'est bien gardé de comprendre ce que voulait le peintre. Il y a des gens qui ont cherché un sens philosophique dans le tableau. D'autres, plus égrillards, n'auraient pas été fâchés d'y découvrir une intention obscène. Eh, dites-leur tout haut, cher maître, que vous n'êtes point ce qu'ils pensent. Qu'un tableau pour vous est un simple prétexte à analyse. Il vous fallait une femme nue, vous avez choisi Olympia, la première venue. Il vous fallait des taches claires et lumineuses et vous avez mis un bouquet. Il vous fallait des taches noires et vous avez placé dans un coin une négresse et un chat. Pour Zola, Olympia est une prostituée. Et Zola se sert de ce tableau dans son combat contre la prostituée. Et il dit, voilà, évidemment, on représente ici pour la première fois une de ces pauvres filles qui jusqu'à présent n'avait pas droit à la peinture comme ces pauvres filles n'avaient pas droit au roman. Quand il a peint Olympia, comme quand il a peint avant le Déjeuner sur l'herbe, qui a déjà été un scandale épouvantable, il avait en tête de peindre une vraie femme, quoi. C'est-à-dire de peindre une femme qui ne soit pas, en effet, une Vénus, qui ne soit pas un personnage mythologique peint par Cabanel. Enfin, voilà, qui soit une femme réelle avec, je sais pas, un peu de... une femme en chair et en os, quoi. Bon, voilà, pas une femme idéale. Il me semble, parce que, comment dire, Olympia et avant le Déjeuner sur l'herbe a provoqué un scandale. Bon, mais ce qui est assez extravagant, c'est de voir que même à peu près chacun des portraits de Berthe Morisot, qui eux ne sont nullement, elle n'est pas nue, et on la trouve très belle. Enfin, moi, je la trouve très belle. Bon. Et ça déchaîne aussi un tumulte de sarcasme, de quolibets. On dit qu'est-ce que c'est que cette femme. femme qui ressemble à un cadavre, qu'est-ce que c'est que, je ne sais plus, elle a l'air d'avoir ramené sa cheminée, etc. Enfin, bon, ou le balcon aussi, enfin, voilà, donc ce n'est pas le nu, en l'occurrence, bien sûr, le nu, tout le monde faisait des nus depuis très longtemps, enfin, non, c'est que ce soit une femme qui ressemble à une femme réelle, quoi. Le tableau a énormément choqué. Et il a fait rire aussi, ricaner, j'allais dire. Gabriel Houbre. Parce que justement, cette femme détonne tellement par rapport aux représentations académiques du nu féminin et par rapport au nu idéalisé de la femme, et là on peut dire la femme, hein, l'archétype féminin, qu'il a fait presque peur. Il a provoqué la hargne aussi. Il faut savoir quand même que les commissaires ont été obligés de changer la place du tableau lors du salon de 1865. Il a été rehaussé de façon à le mettre à l'abri des coups de parapluie. Alors que, encore une fois, et c'est ça qu'il faut souligner cet aspect, Manet veut être reconnu, célébré, et il espère conquérir un peu de célébrité avec cette Olympia affichée au salon. Et d'une certaine façon, quand on connaît la bourgeoisie, surtout la bourgeoisie du Second Empire, on se demande tout de même s'il n'y avait pas un petit peu de naïveté dans Manet pour penser qu'avec un tableau pareil, une demi-mondaine nue, comment il aurait pu convaincre les membres du jury qu'il était infiniment respectable. Un tableau est d'abord la réponse à d'autres tableaux. À l'époque, dans les années 60, le sujet de la Vénus était extrêmement prisé. Or, le goût de la peinture académique allait vers la Vénus de Cabanel. Et la Vénus de Cabanel, qui est d'ailleurs ici dans la maison, quelque part, exposée au salon de 1863, l'année du fameux salon des refusés, a été achetée immédiatement par Napoléon III. C'était donc ça le goût officiel. Or, la Vénus de Manet est d'abord une espèce de coup de poing ou de gifle à l'endroit de ces représentations-là, picturalement. Et d'autre part, il reprend le grand sujet qui est la Vénus allongée depuis la peinture de la Renaissance pour donner sa version. Il veut faire un tableau moderne. Il veut faire une Vénus moderne. Alors il y a des connotations sociales et politiques, c'est entendu, parce que l'on sait que Manet était républicain, on sait que Manet était opposé au régime de Napoléon III, mais ce n'est pas pour autant que Olympia est une manifestation pour dénoncer la marchandisation du corps féminin. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Manet a certainement voulu s'inscrire de plein pied dans une réalité sociale qui est la prostitution, pas n'importe quelle prostitution, pas les filles qu'on appelle soumises qui vont s'inscrire à la préfecture de police et qui vont racoler le client à partir de 19h, loin des lieux publics, dans la rue, etc. Pas cette prostitution-là. La prostitution qui est montrée ici, c'est la prostitution des courtisanes, des demi-mondaines, les cocottes du Second Empire, qu'on connaît bien, avec quelques noms extrêmement célèbres, la Païva, Cora Pearl, Caroline Le Tessier, et bien d'autres. Donc, ces femmes symbolisent aussi la fête impériale du Second Empire, hein, et c'est cette prostitution-là qui est représentée là. Oui, il ne faut pas oublier que le Second Empire a été une des très grandes époques de la prostitution de haut vol. Le meilleur exemple est la Païva, qui avait quand même son hôtel particulier, d'abord du côté de la Nouvelle Athènes et ensuite sur les Champs-Élysées, et qui roulait carrosse, c'est-à-dire c'est une fille sortie de rien qui a fait une brillantissime carrière grâce à ses charmes, grâce à son esprit aussi, et qui était une sorte d'Hétaïre moderne. Par ailleurs, la Païva était mécène. Elle a consacré quand même beaucoup d'argent à aider, y compris des écrivains. Alors voilà, alors typiquement la Païva avait un salon où elle aimait inviter les artistes. Alors, les frères Goncourt ont été un peu ingrats parce qu'ils ont eu la dent dure dans leur journal sur elle, en particulier sur son physique. Hein. Ils l'ont trouvée parfaitement laide. Elle a quand même eu néanmoins beaucoup de succès. Mais ils ont été très durs avec elle et pourtant, elle les a beaucoup aidés. Théophile Gautier était un familier. Il y a eu comme ça beaucoup d'artistes, des peintres également qu'elle a accueillis et qu'elle a aidés financièrement. Hein. Ce n'est pas simplement de la sociabilité mondaine. Ces femmes aiment inviter les artistes et d'ailleurs elles sont choyées par les artistes qui souvent les représentent. Il y a aussi un magnifique tableau par Gervex de Valtès de Labigne, il y a un magnifique tableau par Amaury Duval de Jeanne Tourbet. Donc souvent il y a des œuvres qui sont plutôt des œuvres qui comptent, hein. Enfin je veux dire, les artistes ne se moquent pas du tout de leur modèle. Je pense que c'était un homme à femme en ce sens, enfin c'était un homme qui aimait les femmes, voilà, et qui se plaisait dans la telle Sartre, et il se plaisait dans la conversation des femmes, etc. Et sa conversation plaisait aux femmes, enfin, je ne sais pas, à vrai dire, s'il était un bourgeois à aventure galante, quoi. Bon, si ça allait au-delà du flirt, je n'en sais rien. Manet passait des heures dans les grands cafés, dans le café des grands boulevards ou au Gerbois avant, le café Gerbois là, qui était donc place Clichy, enfin à peu près. Je pense que ça occupait beaucoup, d'après ce que j'ai lu aussi, enfin, du temps de Manet. Tandis que j'imagine, je connais mieux, bizarrement, je connais mieux Manet que Zola. Je ne vois pas Zola consacrer du temps à la... comme ça... Il faut avoir envie de plaire ou d'être séduit pour aimer la conversation. Bon, je ne pense pas que c'était le cas de Zola. Donc lui, je l'imagine au contraire. Voilà, son génie à lui, c'était d'aller partout, de prendre des notes, de tenir tous ses carnets où il se renseignait sur tout. Autant je peux imaginer ce qui s'est passé, en effet, Baudelaire et Manet se promenant aux Tuileries dans les années 60 et prenant le même intérêt à détailler la toilette d'une femme ou l'apparence d'un type. Autant je peux imaginer aussi, et même encore mieux, Manet et Mallarmé. Alors là, Mallarmé s'intéressant même considérablement aux toilettes féminines, etc., puisqu'il a écrit là-dessus. Enfin, bon, autant je pense pas qu'il pouvait avoir tellement de divertissements en commun avec Zola. Un de mes amis me demandait hier si je parlerais de ce tableau qui est mon portrait. Certes oui, je parlerais de ce tableau. Je me rappelle les longues heures de pause, dans l'engourdissement qui s'empare des membres immobiles, dans la fatigue du regard ouvert sur la pleine clarté, les mêmes pensées flottaient toujours en moi, avec un bruit doux et profond. Par moments, au milieu du demi-sommeil de la pause, je regardais l'artiste, debout devant sa toile, le visage tendu, l'œil clair, tout à son œuvre. Il m'avait oublié. Il me copiait comme il aurait copié une bête humaine quelconque, avec une attention, une conscience artistique que je n'ai jamais vue ailleurs. Souvent, quand il traitait un détail secondaire, je voulais quitter la pose. Je lui donnais le mauvais conseil d'inventer. « Non, me répondait-il. » Je ne puis rien faire sans la nature. Je ne sais pas inventer. Tant que j'ai voulu peindre d'après les leçons apprises, je n'ai produit rien qui vaille. Si je vaux quelque chose aujourd'hui, c'est à l'interprétation exacte, à l'analyse fidèle que je le dois. On a des tas de témoignages sur... mais je les ai oubliés, comme toujours. Mais enfin, je me souviens en tout cas de Mallarmé qui parle de l'espèce de fureur qui se jetait sur un tableau comme si c'était le premier tableau qu'il faisait de sa vie. Enfin, Olivier Rollin. Il avait une passion de peindre comme ça, une grande... Bon, d'autre part, on sait aussi que c'était un grand causeur, quoi. Manet, c'était un esprit brillant, spirituel. Enfin, c'était un peu le type... qui n'existe plus maintenant, du Parisien, quoi, de type qui est un homme du monde, qui a de l'esprit, etc. Mais donc, voilà, je suis sûr qu'il parle, je suis sûr qu'il lui parle avec sympathie, qu'il lui parle avec esprit, avec cette espèce de grâce que tout le monde lui reconnaissait. Et d'autre part, je ne sais pas très bien comment était la conversation de Zola, mais j'imagine que quand même, il avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, il parle beaucoup. Je ne sais plus combien il y a eu de séances de pause, enfin tout ça. Enfin bref, je n'imagine pas ça comme des mornes séances. Non, il devait s'amuser. Vous pouvez nous aider, Stéphane Guégan, à imaginer ce salon de 1868, ce salon qui se passait au Louvre. Plus exactement, dans l'ancien palais de l'industrie, qui était un vestige justement de l'exposition universelle, où l'on entassait à peu près 3000-3500 tableaux et sculptures. Il faut survivre sous cette avalanche d'images, et c'était aussi un des critères auxquels Manet obéit quand il fait le choix de sujets provocants. Peindre son ami Zola, qui à l'époque est pratiquement un personnage aussi sulfureux que lui. Il faut relire les critiques de Thérèse Raquin et des premiers romans de Zola pour mesurer la nature exacte de ce qu'était Zola en 1868 quand Manet fait son portrait. Le portrait qu'il a exposé cette année est une de ses meilleures toiles. C'est pourtant là le tableau d'un homme qu'on accuse de ne savoir ni peindre ni dessiner. Je défie tout autre portraitiste de mettre une figure dans un intérieur avec une égale énergie, sans que les natures mortes environnantes nuisent à la tête. Tout se tient dans une gamme savante, claire et éclatante, si réelle que l'œil oublie l'entassement des objets pour voir simplement un tout harmonieux. Je ne suis pas sûr que Zola ait autant aimé le portrait qu'on pourrait le penser aujourd'hui, dans la mesure où c'est un portrait plutôt flatteur, quand on compare la peinture aux photographies que nous connaissons de l'écrivain. Ce qui donc laisserait à penser que dès cette époque, et malgré les grands articles de 1866, malgré la brochure de 1867 et malgré les lettres que ces deux-là ont échangé, Zola est toujours en attente d'un autre peintre. Mais leur amitié va survivre aux réserves que Zola va de plus en plus émettre dans sa critique d'art. Ça débute, si ma mémoire est bonne, en 1879. Nous sommes 2 ans après la mort de Courbet, et Zola dit que Manet n'aura pas été le Courbet de sa génération, qu'il lui manque une méthode. Et le mot méthode renvoie à la littérature naturaliste. Pour Zola, la littérature se fonde sur une méthode d'observation. Il s'agit de parler au plus grand nombre. Ce que Manet d'ailleurs cherchait à faire, à sa façon, en restant fidèle au salon et à l'espace public. Mais Manet, et notamment le Manet des années 1870, plus clair, plus dynamique, le déçoit. Il trouve cette peinture mal fichue, mal construite, mal dessinée, ces tableaux trop mystérieux. Et puis peut-être que ce qu'il y a de baudelairien en Manet, lui déplaît. Merci à Manuel Charpie, Anne-Martin Fugier, Stéphane Guégan, Gabriel Houbre, Robert Kopp et Olivier Rollin. Prise de son, Benjamin Chauvin. Bruitage, Patrick Martinache. Texte d'Émile Zola, dit par John Arnold. Mixage, Philippe Bredin. Tentative d'épuisement d'un tableau, le portrait de Zola par Manet, Perrine Kervran, Séverine Cassard. Voilà, nous continuons demain notre semaine consacrée à la fabrique de l'histoire de l'art impressionniste. Et donc demain, nous traiterons encore de cette question du rapport entre écrivains, mais également intellectuels et le milieu des impressionnistes. C'est l'émission d'archives de demain. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site www.franceculture.fr. Vous pouvez le faire pendant 1000 jours. Vous pouvez télécharger l'émission pendant un an après sa diffusion et laisser également vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.